Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Moi, je m'appelle Erika. Salut, Erika. Salut, bonjour tout le monde. We got an upper intermediate lesson for you. Où nous allons nous retrouver? Dans la tête de quelqu'un. Nous allons un peu parcourir ses pensées. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui passe vraiment par la tête des gens? C'est ce qu'on va voir. Exactement. Donc, on va écouter ce dialogue maintenant. On va retrouver quelqu'un qui, en ce moment, est en train de dormir. Et on la rejoint au moment où elle se réveille. Tiens, quelle heure il est? Oh non, je suis en retard. Je suis en retard pour mon audition. Je parie que le réveil a encore fait des siennes et qu'il n'a pas sonné. À moins que ce soit moi qui dormais à point fermé. Serait-ce possible que je me sois endormie sans l'avoir réglé? Bon, j'arrête de me prendre la tête. Il faut que je me douche en vitesse. Où est ma serviette? Oh non, faut d'abord que je fasse mon sac. Sinon, j'ai oublié d'amener une partition. Voilà, vite fait, bien fait. Hop, je file sous la douche. Si seulement je m'étais couchée plus tôt hier soir. Bon, où est le gel douche? Aïe! C'est pas vrai, mais quelle journée pourrie! C'était juste un cauchemar. Je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Bon, cette fille a vécu un cauchemar. Heureusement. Oui, des rêves douloureux. Mais bon, tout est bien qui finit bien. C'est vrai. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est réveillée. Donc on peut même dire qu'elle s'est réveillée en sursaut. Oui, parce que tout d'un coup, elle pensait qu'elle n'avait pas entendu son réveil. Oui, donc elle pensait qu'elle était en retard et que la raison était que le réveil avait encore fait des siennes. Sauf faire des siennes. Qui veut dire qu'une personne ou une machine n'a pas fonctionné normalement, n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Par exemple, un ordinateur. Exactement. Si un ordinateur fait des siennes, ça veut dire it's acting weird. Oui. It's acting up. Et c'est souvent quand il y a déjà eu des problèmes auparavant avec la machine. Mmh. On dit, il a encore fait des siennes. Il y a encore eu des problèmes avec cette machine. Alors, si elle avait une audition, elle aurait dû acheter un nouveau réveil quand même. C'est vrai, si c'était si important. Ouais. Comme ça, elle aurait eu deux réveils. Si elle aspire à devenir une grande musicienne... Eh oui, elle aurait, comme tu dis, elle aurait dû acheter deux réveils et régler les deux. Alors, on règle un réveil. Voilà, c'est le verbe qu'on utilise quand on fixe l'heure pour le lendemain. Ça s'appelle régler le réveil. Alors, quand on se trouve dans une situation pareille... Voilà, quand on vient de se réveiller... On ne devrait pas trop se prendre la tête, n'est-ce pas? C'est vrai. Pourquoi? Parce que se prendre la tête, ça ne sert à rien. Oui. S'énerver, ça ne sert à rien. Et on va juste perdre plus de temps. Exactement. Alors, elle dit, j'arrête de me prendre la tête. C'est ça. Mais ça veut dire quoi, se prendre la tête? Trop penser. Oui, se faire de soucis, s'énerver... Trop penser, passer du temps à penser à des sujets qui n'en valent pas la peine. Alors elle, c'est pas le moment. Non, vaut mieux pas se prendre la tête. Et d'ailleurs, attention, juste petite note, se prendre la tête, vraiment une expression utilisée très très très fréquemment en français. Oui, c'est les Français adorent cette expression, se prendre la tête. Oui, c'est vrai. Tu l'entends tout le temps. Arrête de te prendre la tête. Je me suis encore pris la tête avec tiki tiki. Ouh là là là. Donc voilà, pourquoi elle se prend la tête? Parce qu'elle a beaucoup de doutes. À un moment, elle se demande, peut-être que ce n'était pas les réveils qui étaient mal réglés, mais peut-être que c'était elle qui dormait à point fermé. Dormir à point fermé. Oui. Comme un bébé. Exactement, c'est dormir profondément, comme les bébés font. Oui, parce que les bébés, ils font ça avec les poings, ils sont fermés, serrés. Et toi, tu dors, généralement, tu dors à point fermé ou tu as le sommeil léger? Je dors à point fermé. C'est bien, Erika. Toi? Moi aussi, je dors à point fermé. Mais elle doit commencer de être sérieuse parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Ouais. Avant de partir, par exemple, il faut qu'elle fasse son sac. Oui, c'est préparer toutes les affaires dont elle a besoin et les mettre dans son sac. Get her stuff ready. Oui. Faire son sac. Et puisque elle est musicienne, le plus important, c'est qu'elle n'oublie pas ses partitions. Tout à fait. Her sheet music, les partitions. Sinon, ça risque de mal se dérouler, l'audition. Ah ouais. Donc, elle arrive à faire son sac et elle dit, voilà, vite fait, bien fait. Ça veut dire qu'on a réussi à faire quelque chose rapidement et qu'on l'a bien fait en même temps. Mais comment elle sait si elle a bien fait ou pas? Elle saura plus tard, n'est-ce pas? Oui, on peut toujours avoir des surprises après, mais normalement, bon. Alors, bien, elle file sous la douche. Oui, encore une autre expression, c'est filer sous la douche. Pendant qu'elle est en train de faire tout ça, elle dit, ah, si seulement je m'étais couchée plus tôt hier soir. Elle a quand même un petit regret. Alors, attention, si seulement doit être suivi du plus que parfait. Oui. Si seulement j'avais fait ça, si seulement je m'étais couchée plus tôt. If only I had done that. Exactement, oui. Et donc voilà, comme on vient de le dire, elle n'est pas réveillée. Elle commence à penser que vraiment, c'est une journée pourrie. Ce qui veut dire que c'est une journée horrible. Voilà. Il faudrait que c'est une mauvaise journée, tout à fait. Mais heureusement, c'était juste un cauchemar. Ce n'est pas grave, le réveil sonne et on a ce cauchemar qui se termine là maintenant. Elle arrivera donc, on l'espère, à l'heure à son audition, avec ses partitions. Et sur ce, nous, on réécoute le dialogue. Tiens, quelle heure il est ? Oh non, je suis en retard ! Je suis en retard pour mon audition. Je parie que le réveil a encore fait des siennes et qu'il n'a pas sonné. À moins que ce soit moi qui dormais à point fermé. Serait-ce possible que je me sois endormie sans l'avoir réglé? Bon, j'arrête de me prendre la tête. Il faut que je me douche en vitesse. Où est ma serviette? Oh non, faut d'abord que je fasse mon sac. Sinon j'ai oublié d'amener une partition. Voilà, vite fait, bien fait. Hop, je file sous la douche. Si seulement je m'étais couchée plus tôt hier soir. Bon, où est le gel douche? Aïe! C'est pas vrai, mais quelle journée pourrie! C'était juste un cauchemar. Je suis pas en retard. Okay, we're back, and it's time now to do the subjonctif tip of the day. Today, the expression that uses the subjonctif is c'est possible que. Oui, dans le dialogue qu'on a eu, on l'a retrouvé dans serait-ce possible que je me sois endormi sans l'avoir réglé, en parlant du réveil. There we have the conditional serait-ce possible. But it doesn't matter what tense the say uses. If it's c'est possible que, we use the subjonctif. Tu vois, Erika, mon ordinateur a encore fait des siennes. Ok. Serait-ce possible que je vienne chez toi ce soir afin d'utiliser le tien? Ah oui, mais tu devrais demander au tech guys. C'est possible qu'ils puissent faire quelque chose pour toi. Tu vas utiliser ton ordinateur ce soir. Donc c'est possible que je doive attendre que tu aies fini de l'utiliser? C'est possible. Ouais, ça ne dérange pas, tu sais. J'en ai vraiment besoin. Ok. C'est possible que les auditeurs du French Pod comprennent maintenant que c'est possible que use subjonctif. Subjonctif tip of the day. Voilà. This is horrible, isn't it, when this happens? Do you have these kind of dreams? Comme on l'a dit, d'habitude, je dors à point fermé. Mais quand je suis stressé, ça m'arrive de me réveiller en sursaut. Et toi? I don't really have these dreams, but yeah, I definitely wake up, jump in out of bed. Oh no, no, no! Because I have been known to sleep through my alarm. Parce que je dormais à point fermé. Et alors, tu te prends la tête quand tu te réveilles? Yeah. Oh no, oh no! I do what this girl did. Only to find out, you know what usually happens when I start thinking clearly? Ouais. Oh non, on est le samedi. Ça, c'est horrible. Et toi? Non, le samedi, je dors très bien, merci. Well, that's good. Donc voilà, on avait une leçon quand même très élaborée ici avec de nombreux cas de subjonctifs. J'espère que vous avez tous pu l'apprécier. Si jamais il y a quelque chose qui vous a échappé ici dans la leçon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur frenchpod.com. Et partagez vos commentaires avec tous les autres utilisateurs. Hope to see you at frenchpod.com. Merci, au revoir. Salut à tous.